le seul qui séjourna en Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé. Ces jours-ci, on va prendre le livre de la Genèse, le chapitre 1er, le verset 26. Puis Dieu dit, ça c'est ma version, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, et sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton amen va m'encourager à avancer. Amen. Alléluia. Amina. Le texte qu'on vient de lire dans le livre de Luc, il s'agit de deux disciples. Après la résurrection de Christ, ces deux disciples ont appris ce qui s'était passé. Ils ont appris que Christ qui était dans le tombeau, il n'est plus dans le tombeau. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Les femmes sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé le corps. Il y a eu certains autres disciples qui sont aussi allés au tombeau, qui sont allés vérifier ce que les femmes leur ont apporté. Mais ce qu'ils ont constaté aussi, c'est que Christ n'est pas là. C'était sujet d'étonnement. Alors c'est les disciples, ils quittaient la ville vers une autre ville. Et sur le chemin, ce chemin qu'on appelle le chemin d'Emmaüs, ce soir j'aimerais te parler du chemin d'Emmaüs, chemin de la rencontre. Ce qui m'étonne, ce sont deux disciples. Ce sont des disciples qui ont vu Jésus. Ils ont vu Jésus travailler. Ils ont vu Jésus opérer dans le miracle. Ils ont vu Jésus travailler. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand ils sont sur leur chemin, ils parlent et ils sont tristes. Et au-delà d'être tristes, Christ s'approche d'eux. Christ va à leur rencontre. Mais ce qui est étonnant, c'est que la Bible me dit, il y a quelque chose qui les empêchait de voir Jésus. La question que je me pose, disciples de Jésus, mais ils ne savent pas distinguer qui est Christ et qui n'est pas Christ. Alléluia. Amina. Disciples de Jésus, mais ils n'arrivent pas à constater que la personne qui s'est approchée de nous, c'est Christ. Ça, alléluia. Amen. Un disciple, un vrai disciple qui parle de Jésus, mais quand Jésus s'approche de lui, Jésus-Christ devient inconnu. Je prie ce soir par le nom de mon Père que il est voile et coupe ma choyako, il toque et coupe ma choyako. Comme à Christ on habite en pembeni yako, que tu puisses reconnaître que celui qui passe à côté de moi, c'est Christ. Je prie ce soir que Christ ne puisse pas passer à côté de toi et que toi tu ne puisses pas le reconnaître. Je prie ce soir que par le Christ d'habite en pembeni yako, ou si vous êtes ça, maman, tu vas ouvrir. Deux disciples. Il y a eu des païens qui ont reconnu Pierre. Pierre qui n'était pas Christ. Papagano. Le païen. Banamona Petro. Et ils ont reconnu Pierre. Banamuangaria. Banasema kusema kuako. Et ils ont dit que ta façon de parler est en train de montrer que tu es avec Jésus. La façon dont tu parles montre que tu es avec Jésus. La façon d'agir est ta façon de parler. Cela est en train de montrer que tu es avec Jésus. Papagano. Pour les païens. Mais là on a deux disciples qui ne savent pas reconnaître Christ. Je prie que le Seigneur a couté ce qu'est le voile, le voile qui est Jésus, que tu commences à lui voir. Que ce voile qui est sur toi, que le Dieu que l'on prie ici, il angouke mouchina la Yesu. C'est pourquoi il y a bon homme de temps. Notre bénédiction passe à côté. Manque de le voir. La bénédiction est côté. Parce qu'il est à côté entre des filles. Mais tu as tellement souffert. Tu as dit que j'ai tellement pris. Mais Dieu ne m'aide pas. Pourquoi il ne t'aide pas? Parce que Christ est juste à tes côtés. Et ce qui est bizarre, il te pose même des questions sur lui-même. Un disciple qui a vu comment Jésus multipliait le pain. Un disciple qui connaît comment Jésus relevait un paralytique. Mais c'est ce disciple-là qui n'arrive pas à reconnaître que celui-ci c'est Jésus juste par sa voix. Si je ne peux pas voir son visage, mais sa voix, je peux reconnaître que ça c'est Christ. Si je ne peux pas reconnaître sa voix, même son habillement, je peux reconnaître que celui-ci c'est Christ. Ma prière ce soir est que tu reconnaisses cela où Christ passe. Ma prière, Yesu on a pu ta source féconde. Si beauté à partir de Yesu nous allons savoir que Jésus a passé. Alléluia. Amen. Chemin de Maïs. Chemin de rencontre. Chemin de rencontre. La fois passée, le mercredi, on s'est parlé du chemin d'Emmaüs, chemin du désespoir. Ce soir, je te parle du chemin d'Emmaüs, chemin de rencontre. J'aimerais te parler de deux rencontres. Quand j'étais en train de méditer ma Bible, j'aimerais te parler de deux rencontres. La première rencontre, c'est une rencontre qui est divine. La rencontre qui s'est passée au ciel, c'est la rencontre de Genèse 1, 26. Là, la Bible me dit, c'est Dieu qui parle. Je me suis posé beaucoup de questions. Jésus-Christ était avec qui? Où Dieu était avec qui? Pour dire cela, la Bible me dit, Dieu est en train de parler. Et là, il dit, faisons l'homme en notre image. Je me suis posé la question. Seigneur, tu voulais rencontrer qui pour créer l'homme? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur voulait rencontrer qui pour créer l'homme? Il y a une rencontre pour que toi et moi, nous soyons sur cette terre. Tu as voulu appeler le Saint-Esprit à côté. Il a appelé Christ à côté. Il a appelé les 24 vers à côté. Il a appelé le ciel. Il leur a dit, mettez-vous là. Pour l'homme, on doit se réunir pour que cet homme soit créé. Le ciel s'est réuni pour que toi tu sois créé. Mais quand je t'observe, quand j'écoute ce que tu dis, ce n'est pas différent de ces deux disciples. Ils sont tous tristes. Il se peut que ce soit toi aussi tu sois triste. Tu es triste. Mais le ciel s'est réuni pour que toi tu sois créé. Les 24 vierges étaient là. Les séraphins étaient là. Les anges étaient là. Les archanges étaient là. Pour que toi et moi, l'on soit façonné à son image. Alors dis-moi un peu, quels sont ces problèmes qui te dépassent? Ces problèmes dépassent ton niveau. Mais ton problème ne dépasse pas le niveau du ciel. La situation dans laquelle tu es, c'est une situation qui te dépasse à toi. Mais la situation dans laquelle tu es ne dépasse pas le ciel. Il a autorisé à ce que toi tu sois sur terre. C'est étonnant. Ou t'as la mère de la ville. Bonjour, monsieur le directeur. Ma fille doit venir étudier dans ton école. Le directeur sait que dans son école, les places sont déjà terminées. Ma foi, je sais les places sont déjà terminées. Pour cet enfant-là, pour téléphone, tout. Juste pour un directeur, appel, le directeur est en train de trembler. Le maire de la ville n'est pas sur place. Le président n'est pas sur place. Voilà. Mais tu vois le directeur au téléphone. Et qu'on a tété mec, on a goûté tété mec. Souya ou le moutoto. Pour cet enfant. Fois chita ou le cana. Maintenant, qu'est-ce que dire de toi? Qui est une recommandation du ciel et sur terre. Tu n'es pas la recommandation d'un homme. Mais tu es la recommandation de Dieu et de tout son gouvernement pour que tu sois sur terre. Alors dis-moi un peu ton histoire. Je te dirai d'où tu viens. Alléluia. La rencontre qui est au ciel, elle surpasse toutes les rencontres. Je suis allé en profondeur de ce que la Bible me disait. J'ai eu peur. Quand Dieu crée la lumière, il est seul. Quand Dieu crée les plantes, il est seul. Quand Dieu crée les animaux de la mer, il est seul. Mais quand il veut créer l'homme, il doit réunir le ciel pour qu'un homme soit créé. De la même manière qu'il a réuni le ciel, il va le réunir en ta faveur sur cette terre. Il a réuni les ciels pour que toi et moi nous soyons ici. La première des choses qu'il crée, il dit, j'ai créé le ciel, j'ai créé la terre. Quand il est seul, il forme une terre qui est en forme et vide. Un format est vide. C'est le français qui a arrangé. Alléluia. Amina. Ni français n'a tengeneza. D'autres versions parlent de tohu bohu. C'est-à-dire à qui n'a pas de forme. C'est-à-dire qui n'a même pas de forme. Ni qui zombie. C'est juste un zombie. Ni qui monstre. C'est quelque chose qui n'a pas de forme. C'est pourquoi vous allez voir. Quand le diable tombait du ciel. Quand il tombe sur terre. Il regarde dans toute la création. Il ne voit pas de semblable. Seul semblable. C'est la terre. Parce que c'était en forme vie. Le diable voyait son semblable. L'adage qui dit qui se ressemble s'assemble. Je me suis rendu compte que ça venait de là. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, le diable, quand il descend, il pensait qu'il va demeurer. Mais tout ce que tu as créé, tout ce que tu as fondé, pour que cela soit dans l'union, il a appelé les anges, il a appelé le gouvernement céleste. Le diable ne peut pas régner éternellement sous tout ce que tu as créé. Si le diable était en train de traîner dans ta vie, je viens t'informer ce soir qu'il sera délogé, il partira. Que tu le veuilles ou pas, il partira. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La rencontre divine nous a appelés à être sur terre. La rencontre du ciel a fait en sorte que toi et moi nous soyons là. La rencontre du ciel. Aujourd'hui, on peut m'appeler. Moi, Mathieu. Frère Jacques. Frère Abel. Pourquoi? Parce que le ciel s'est réuni. Il y a eu rencontre pour que toi tu sois là. Si on peut recommander un homme, mais Dieu t'a recommandé sur terre et tu as la plus belle des recommandations. Pas celle d'un homme, mais celle de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amina. La rencontre de Dieu avec ses fils sont des rencontres qui nous sont bénéfiques. Ce qui me faisait un peu peur, c'est quand je lis le livre de Job et qu'il y a rencontre au ciel, mais il y a un intrus. Il y a quelqu'un qui entre par hasard. Ce qui est bizarre, l'ange qui l'a chassé au ciel n'arrive pas à comprendre comment il est entré. Les archanges au ciel ne comprennent pas comment il est entré. Je ne comprends pas pourquoi Dieu arrive seul à les reconnaître. J'ai compris une chose. Il aime se déguiser. Dans les rencontres des cieux, lui ne doit pas être là. Chaque fois qu'il est là, on doit les chasser. Chaque fois qu'il est là, on doit les mettre dehors. Dieu prend toutes les dispositions pour dire, j'organise une rencontre, pas avec lui, mais avec mes fils. D'où lui, comme il n'a pas peur, il doit quitter ces lieux. Il n'a pas peur dans cette église. C'est pourquoi ce soir, on va les chasser avec la dernière énergie. Alléluia. Que quelqu'un se prépare à ce qu'on les chasse avec notre dernière énergie. On ne va pas lui laisser nos places. Il va encore demeurer. Il attend de demeurer. On ne va pas lui laisser la place. On va parler de la deuxième rencontre. Quand j'étais en train de lire ma parole, la Bible me parle d'une deuxième rencontre. C'est la rencontre entre le ciel et la terre. La rencontre entre le divin et l'humain. La rencontre entre ce qui est d'en haut avec ce qui est d'en bas. Et ce que j'aime, c'est quand je lisais le livre de Luc. Luc le chapitre 1er, le verset 26, le verset 27, le verset 28. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce soir? Parce que la rencontre de ce soir va faire une différence dans ta vie. La rencontre de ce soir va apporter quelque chose dans ta vie. La rencontre de ce soir doit changer quelque chose dans ta vie. Tu ne peux pas entrer chaque jour ici et tu sors comme tu entres. La Bible me dit ceci dans le livre de Luc. Je commence à partir du verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Ce que j'aime commence par ici. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Ce soir il y aura une rencontre d'une personne avec un ange ce soir. J'étais en train de dire que ce soir il y aura une rencontre d'un ange avec un homme ce soir. Je répète ce que je dis. Ce soir il y aura une rencontre d'un ange avec un homme ce soir. Tu vas rencontrer ton ange ce soir. L'ange de ta bénédiction va te rencontrer ce soir. Marie n'a pas prédisposé ce que l'ange vienne le visiter. Marie ne s'est pas préparée à ce que l'ange vienne le rencontrer. Marie ne s'est pas préparée. Elle n'a même pas arrangé sa maison. Elle n'a même pas arrangé quelque chose de ce qui était à elle. Mais l'ange est arrivé subitement. De la même manière que l'ange est apparu à Marie, de la même manière ce soir tu vas rencontrer ton ange. Par une rencontre avec un ange, Marie tombe enceinte. Je ne sais pas comment ça se fait. Ce soir, il y a un ange. Il y a un ange. Il y a un ange. L'ange de ta bénédiction. L'ange de ton élévation. L'ange de ta gloire. L'ange de ta visitation. Il va te visiter ce soir. Il va te rencontrer ce soir. Il sera là pour toi ce soir. Il sera là pour te guérir ce soir. Il sera là pour changer quelque chose de ce soir. Pas ce soir. L'ange de ta visitation, il va te rencontrer ce soir. Alléluia. Cet ange sera là pour toi ce soir. Il viendra ta rencontre. Ou pende. Que tu le veuilles. Ou si pende. Que tu le veuilles pas. Il viendra te visiter. Marie, nulle part. La Bible nous a dit qu'elle a prié. Nulle part. La Bible nous dit qu'elle a jeûné. Nulle part. La Bible ne me dit qu'elle a fait des montées. Combien de montées toi tu as fait? Combien de prières toi tu as fait? Combien de sacrifices tu as fait? Pour le même prière. Pour le même sacrifice. Pour la même chose. Que Marie, pour laquelle elle n'a rien fait, elle a reçu sa grâce. Toi aussi ce soir, tu vas recevoir ta grâce. Toi aussi ce soir, tu vas recevoir ta visitation. Toi aussi ce soir, ce sera pour toi. Amen. L'ange de l'Éternel va te visiter également. Le diable commet l'erreur. Il pense que quand il va tenter Christ, Christ va tomber. Le Saint-Esprit, la Bible me dit, il va prendre Christ pour le conduire au désert, pour qu'il y ait rencontre, la rencontre de la tentation. Alléluia. Quand je lis la Bible, le diable s'approche de Jésus. Et il lui dit, tu vois cette pierre, tu peux prendre cette pierre et tu peux transformer cette pierre en pain, tu peux manger, tu vas te rassasier. L'information que le diable manque, c'est que Christ lui dit, ce n'est pas à cause de toute nourriture, il ne s'agit pas de toute nourriture, mais il y a également la parole. Et la parole qui te manque, diable, c'est qu'il y a mon petit frère Moïse. Moïse a eu à transformer l'eau de la mer rouge en sang. Tu n'as pas lu. C'est la parole qui te manque. Les diables le regardent. Il se dit, qui est cet homme? Je veux essayer autrement. Le diable le transporte. Et en un instant, la Bible me dit qu'il lui montre toute la terre. La chose que le diable a oublié, c'est qu'il est face au Créateur. Et Christ le regarde. Et Christ lui dit, tu vois tout ce que tu m'as montré, c'est bien beau. Tu me montres les villes, tu me montres les richesses, tu me montres la gloire. Mais écoute ce que tu vois, il y a un temps que je vais détruire. Toi tu me montres une ville qui sera détruite dans peu de temps. Il y a une ville que je construis, une ville de gloire, la Jérusalem céleste. Oh, le diable commet encore une erreur. Ce que j'aime, c'est que le diable le transporte vers le haut du temple. La rencontre où le diable lui-même se charge à élever Jésus vers le haut du temple. Tes ennemis vont t'élever vers là où tu dois être. Tes ennemis à toi, eux-mêmes, par leur venue, ils sont venus à ce moment où qui vont servir à ce que tu sois placé là où tu dois être placé. Et pense que c'est quand tu es au-dessus que tu vas tomber. L'idée de l'éther du diable, c'est que tu vas tomber. Mais le comble, c'est qu'il te mette tellement dans une bonne position où toi tu dois régner. Je parle à un cœur ce soir. Tu vas régner, non pas à la place où le Dieu t'a placé, mais à la place où Dieu t'a amené pour te faire tomber. Alléluia. Amen. Est-ce que Bibi Ntutu ne bishikia? Est-ce que nous sommes en train de s'entendre? Oula Rumupeleka, yes. Qui a amené Jésus? Yulu ya kanisa. Décidit temple. Ni Satani. C'était le diable. C'est maga kabuana. En disant que cet homme ici. Tout à ka angusha. Nous allons le faire tomber. Ils sont en train. Walikuwa. D'organiser même. Na tengeneza. Le plan. Mupang. Premier plan. Pango ya kwanza. Deuxième plan. Pango ya pili. Troisième plan, quatrième plan, ne sachant pas que le même plan qu'ils sont en train d'organiser, ce sont le plan de ton élévation. Le même plan qu'ils sont en train de mettre en place, ce sont le plan qu'ils vont dire au chef. C'est cette personne qui doit devenir président. C'est cette personne qui doit devenir chef. C'est cette personne qui doit maintenant diriger. Mais chef, normalement, il devait tomber. Mais normalement, il devait se briser. Non, il ne doit pas tomber. Il ne doit pas tomber. Il sera en haut. Parce que ce sont vos plans qui ont permis à ce que cet homme soit là. Il y a quelqu'un qui va rencontrer quelqu'un pour l'élever et que soit dans son niveau. Le niveau que tu as n'est pas ton niveau. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ce n'est pas mon niveau? Dis-lui bien que ce n'est pas encore mon niveau. Il y a un niveau qui m'attend. Il y a une santé qui est en train de venir, qui doit correspondre au niveau dans lequel Dieu t'attend. Pourquoi? Parce que Dieu va te rencontrer ce soir. Tu ne seras pas comme ces deux disciples. Ces deux disciples, et ils étaient tristes parce qu'ils n'ont pas vu Jésus. Mais toi, tu as vu Jésus. Tu connais où Jésus se trouve. Tu connais la maison de Jésus. Tu connais comment chercher Jésus. Tu connais la porte de Jésus. Tu sais où frapper. Tu vas frapper, elle sera avec toi. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Oh, je voudrais dire à quelqu'un, il y a une rencontre. La rencontre de la gloire. La rencontre où tu dois voir Jésus, où il doit t'élever. Je me suis toujours posé la question de cet apôtre qu'on appelle Pierre. Pierre était bizarre. Pierre fait une pêche toute une nuit. Et quand il fait cette pêche, il n'obtient rien. Et Jésus le matin, Jésus-Christ monte dans sa barque. Ce soir, Jésus va monter dans ta barque pour te rencontrer. Et quand Jésus monte dans la barque de Pierre, Pierre le regarde. Jésus-Christ lui dit, avance un peu en pleine mer. Ce que Pierre ne sait pas, c'est qu'il est en face des faiseurs de poissons. Pierre devient spécialiste. Il devient professeur de français. Il commence à enseigner à Jésus le français. Luc le chapitre 5. Luc le chapitre 5, on va terminer par là. Je commence à partir du verset 5. La Bible me dit ceci. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Premier verbe que Pierre s'est conjugué. Il dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, mais sans rien prendre. Le verset 6, la Bible me dit, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Si Pierre, tu es professeur spécialiste dans la conjugaison du verbe travailler, Jésus-Christ aussi spécialiste dans la démonstration d'un verbe. La Bible me dit que le filet s'est rompu. Pierre devient professeur des Français. Il conjugue convenablement le verbe travailler. Il dit, nous avions travaillé toute la nuit, mais sans rien eu. Et puis il dit, nous n'avons rien pris. Il s'est aussi conjugué le verbe prendre. Il ne sait pas si lui le professeur dans la conjugaison, il est aussi devant un spécialiste dans la démonstration. Christ lui démontre que les filets peuvent aussi se rompre. Et quand je descends, la Bible me dit, le verset 7, le dernier verbe, c'est en français. Il y a quelqu'un ce soir. Son filet aussi va se rompre. Il y a quelqu'un ce soir qui ce soir aussi son filet va se rompre. Je disais, il y a quelqu'un ce soir pour qui aussi le filet de tes affaires, ça va se rompre. Il y a quelqu'un ce soir, tes petites affaires là que tu tenais, le filet va se rompre. Tu auras tellement de bénédictions que tu ne sauras pas où les placer jusqu'à ce que tu vas remplir des valises que tu ne sauras pas porter à cause d'une rencontre. Aussi longtemps que Pierre n'a pas encore fait une rencontre, Pierre ne connaît pas la démonstration de la parole de Jésus. Aussi longtemps que Pierre n'a pas encore rencontré Jésus, Pierre est dans la difficulté de savoir aussi que son bateau peut aussi avoir des difficultés et qu'il peut aussi appeler un autre bateau. La rencontre de ce soir, la rencontre de ce soir. Est-ce que tu peux te tenir debout? Mungu tetubariki na tutashinda kubibalula. Pierre était habitué à compter les poissons qu'il avait. Mais il se retrouve devant un Jésus. Anaanza kushinda kubalula samaki. Binamupitia. Petro na changé. Asema Yesu toka tuende. Hapana baraka kama inakupitia. Unaisi na kumwandama Yesu. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire, Seigneur, je vais te rencontrer ce soir. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, je vais te rencontrer ce soir. J'ai rencontré les hommes, je suis devenu triste. J'ai rencontré des hommes, je suis resté triste. J'ai rencontré les hommes, je suis resté triste. Je vais te rencontrer ce soir. Je vais te rencontrer ce soir. Je vais te rencontrer ce soir. Ma situation a besoin de toi. J'ai tellement péché. J'ai tellement cherché. J'ai tellement travaillé. Mais je n'ai pas eu. Quelqu'un peut monter en prière ce soir. Une soirée de rencontre. Que dire qu'apparatage? J'appelle la hika talamika et vaille. Moi, ça, t'as la hika les mêmes et à l'aise. Oui, t'as la hika, t'as la hika, t'as la hika. J'ai la hika, t'as la hika, t'as la hika. M'en arrive à l'aise. Paka ni kuku cha wewe Mungu. Mina katala. Nitoke hapa. Na manunguriko. Nitoke hapa. Na kuriaria. Nitoke hapa. Na kuniunganika. Mina katala. Shafi. Bien-aimés, nous sommes en prière. On nous a dit ce soir qu'il y a des rencontres qui ne sont pas comme toutes les rencontres dans la vie. Il y a des rencontres qui change la vie. Et si tu rencontres le Seigneur sur ton chemin, dans ta vie, ce Dieu-là change la vie. Et qu'on a badiri chamaïcha. C'est pourquoi dans la vie, cherche à rencontrer le Seigneur. Lève tes mains. Ce soir, Dieu te donne l'occasion de le rencontrer. Commence à monter en prière. Ansa kupanda. Oui, monte encore. Dieu, panda tena. Tu as rencontré les hommes. Alléluia. Mais aujourd'hui, lakini leo, rencontre-le. Kutana nae. Ta maison a besoin d'une rencontre. Alléluia. Ta situation a besoin d'une rencontre. Alléluia. Une rencontre qui va changer. Alléluia. Oh, Jésus, qui n'ont besoin que de rencontrer Jésus. Il y a des situations qui n'ont que besoin de te rencontrer. Oh. Et là-bas, ma situation a besoin de ta rencontre. Ma maison veut te rencontrer. Ma vie veut te rencontrer. Le Dieu des armées. Je veux te rencontrer. Où es-tu ce soir? Je veux te rencontrer. Le Dieu des rencontres, où es-tu ce soir? Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Le Dieu des rencontres, où es-tu ce je soir? Je veux te rencontrer. Le Dieu des rencontres, où es-tu ce soir? Dieu, Seigneur, je veux te rencontrer. Le Dieu de la Bible, où es-tu ce soir? Nous voici disponibles, nous t'attendons, Père. Le Dieu des rencontres, où es-tu? Le Dieu des rencontres, où es-tu? Le Dieu des rencontres, où es-tu? Ayane Gebes, Kebele Ouse le Mère. Rakous Kebe et Tenegansk, Anous Leve le Bers, Kaousa. Le Dieu des rencontres. Mungu Amakutano, le Dieu des rencontres, où es-tu ce soir? Où es-tu ce soir? Où es-tu ce soir? Où es-tu ce soir? Nous avons besoin, Père, de toi ce soir. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Où es-tu dans nos vies? Où es-tu, Seigneur, dans ma marche avec toi? Où es-tu, Seigneur, dans cette église? Où es-tu dans nos difficultés? Où es-tu, Seigneur, quand nos yeux sont bouchés? Où es-tu, Seigneur, quand nous n'arrivons plus à parler? Où es-tu, toi, le Dieu, lorsque la force nous manque? Où es-tu, Seigneur, lorsque nous sommes dans des désespoirs? Le Dieu de la rencontre, Seigneur, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi ce soir. Manifeste-toi ce soir. Manifeste-toi ce soir. Manifeste-toi ce soir. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Le Dieu qui a rencontré Pierre. Le Dieu qui a parlé à Pierre. Le Dieu qui a démontré sa rencontre à Pierre. Le Dieu qui a envoyé l'Élysée devant cette femme de Sarepta. Le Dieu de la rencontre, où es-tu? Où es-tu ce soir? Où es-tu ce soir? Où es-tu ce soir? Lorsque nous te rencontrons, nos vies changent. Lorsque nous te rencontrons, nous écoutons différemment. Lorsque nous te rencontrons, c'est dans nos situations qui nous bloquent. Commence à tomber, commence à tomber, commence à tomber, parce que nous nous sommes coincés. Nous nous sommes coincés, pas avec un système, mais avec un Dieu puissant. Où es-tu dans nos vies? Où es-tu dans nos marches? Où es-tu dans nos difficultés? Où es-tu, Père, dans nos familles? Où es-tu, Père, dans nos intimités? Où es-tu, Père? Où es-tu, Père? Où es-tu, Père? Nous savons besoin de toi, nous nous lèvons ce soir. Parce que nous avons besoin de toi, nous nous réunissons, Seigneur. Parce que nous avons besoin de toi, nous nous sommes trouvés à un accord. De te chercher ce soir, de te chercher ce soir. Déchaîner, déchaîner, et de prier dans notre nom. Que tu interviens, Seigneur, à nos situations. Que tu interviens, Seigneur, à nos difficultés. Que tu viens, Seigneur, à nous. Oh, le Dieu de la rencontre. Le Dieu des rencontres, Père. Quand tu t'es rencontré avec Job, la situation n'a pas resté telle que. Quand tu as monté, Seigneur, dans la marque de Pierre, sa situation, sa nuit et ton autre de gloire n'a pas resté telle que. Nous croyons que ce soir, Seigneur, lorsque nous allons te rencontrer ce soir, nos difficultés ne resteront pas ainsi. Nos problèmes ne dormiront pas ainsi. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Ce soir, manifeste-toi. Ce soir, manifeste-toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, parle avec nous, Père. Ayana, Ayana, Ayana, chérie de Christ. Alléluia. Merci, je les glorifie. Merci, je les rencontre. Merci, je les rencontre. Ta vie a besoin d'une rencontre ce soir. Ta situation doit rencontrer Jésus ce soir. Pierre a dit, nous avons travaillé. Donc même ton travail a besoin d'une rencontre. Quand ils ont rencontré Jésus, ça s'est appelé autrement. J'aimerais pendant quelques minutes que tu dis Seigneur, tu vas citer la chose là, tu dis, tu as essayé. Non, non, non, non. Les hommes sont intervenus. Non, non, non, non. Maintenant là, Dieu veut te rencontrer là. Seulement la musique. Holy, holy. Alléluia. Nous voulons prier bien pendant quelques minutes. Parce que nous voulons ce soir, avant de quitter ces lieux, sois sûr que Jésus a rencontré ta situation. Yes. Alléluia. Oui, commence à monter en prière. On s'accompagne tena katika maombi. Alléluia. Cette situation là, il faut que Dieu la rencontre ce soir. Il est ali bwana sherti akutane leo jioni ya leo. Oui, il y a des maladies ce soir qui ont besoin que Jésus les rencontre. Il y a des problèmes ce soir qui n'ont que besoin d'une rencontre de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Ton fils qui a des problèmes. Ton enfant qui a des problèmes a besoin d'une rencontre ce soir avec Jésus-Christ. La situation qui est problématique a besoin de rencontrer Jésus. Alléluia. Présent ce soir. J'aime ce moment. Avant de terminer, il y a des cœurs qui ont besoin de rencontrer seulement le Seigneur. La tristesse qui est dans le cœur, les problèmes qui sont dans le cœur, la solution, que Jésus descend. Alors laisse ton cœur s'ouvrir pour que Jésus y entre. Il guérit le corps. Il guérit aussi le cœur. Il veut guérir le cœur ce soir. Oui, élève ta voix maintenant, commence à prier. Alléluia. Alléluia. Oui, il y a des cœurs ce soir qui sont tristes, qui sont brisés, mais que Dieu veut soigner. Ce ne sont pas les médicaments, frère, c'est le Seigneur qui va soigner. Élève ta voix. Oui, le Saint-Esprit est là. Il commence à souffler dans les cœurs maintenant. Il commence à souffler dans les cœurs. Oui, il commence à souffler dans les cœurs. La fraîcheur du Saint-Esprit. Alléluia. La douceur du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Oh Saint-Esprit, nous t'aimons. Nous t'aimons. Tu es le consolateur. Alléluia. Tu es le consolateur. Ou comme Farici. Nous voulons rencontrer le consolateur. Tout à coup, dans la Farici. Père, nous te disons merci. Parce que tu nous aimes. et nous bénissons ton amour. Que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Et si tu peux acclamer pour le Seigneur.